Je n'étais jamais allé si loin. Ça clignotait de tous les points. Une heureuse rencontre de ta lumière à ciel ouvert. J'en ai pris du temps pour distinguer qu'un nouveau décor se tissait, que j'avais traversé le soleil à ciel ouvert, à ciel ouvert. J'ai relié les étoiles en vendange, en connivence avec les anges. Tout était taillé à ton âme fière, à ciel ouvert, à ciel ouvert. Et prise de mes rêves dans ta réalité, toute ta brillance est révélée par l'univers. Et prise de mes rêves dans ta réalité, tout l'univers est transcendé par ta beauté que je vénère à ciel ouvert. J'ai franchi d'un flash tous les niveaux du labyrinthe, j'ai fait un saut. L'étendue céleste a découvert, à ciel ouvert, à ciel ouvert. J'ai capté les sons de l'infini, c'était ceux de ta mélodie. Elle suivait les cours d'enchanteresse, à ciel ouvert. Et prise de mes rêves dans ta réalité, toute ta brillance est révélée par l'univers. Et prise de mes rêves dans ta réalité, tout l'univers est transcendé par ta beauté que je vénère à ciel ouvert. Prise de mes rêves dans ta réalité, toute ta brillance est accordée à l'univers. Prise de mes rêves dans ta réalité, toute ta beauté m'est racontée en un éclair à ciel ouvert. De ma réalité, toute ta vie m'est présentée.